Mireille Kanyang. Albert Ndouaye assure la mise en onde. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à l'écoute de cette édition de ce mardi 9 juin. Voici les grands titres. Premier jour de passation ce mardi du concours national pour les élèves des 9e année fondamentale. Dans ce journal, nos reporters ont fait le tour à mairie de Bujumbura et dans la ville de Gitega. Et la ministre de l'Éducation qui a fait le déplacement à Bukey en province Muramvya a appelé les élèves surveillants au respect de la loi. La récolte de riz et de maïs est en général bonne pour la saison culturelle B, constate le ministre burundais de l'Environnement, Agriculture et Élevage lors d'une descente ce lundi dans les provinces Bujumbura, Bubanza et Cibitoke. Charles Makoto nous fera le point dans cette édition. Arrestation ce lundi de 5 enseignants du lycée Bubanza et un ancien directeur dans une affaire d'une fille retrouvée samedi ligotée derrière le lycée Bubanza. Dans cette édition, vous aurez également la chronique santé sur le cancer chez les enfants. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page éducation pour débuter cette édition. Début ce mardi de la passation du concours national pour les élèves des 9e année fondamentale. C'est un concours donnant accès à l'enseignement post-fondamental en province Gitega. Environ 8000 candidats, y compris les malvoyants et les malentendants, sont en train de passer ce concours. Là où notre reporter est passé, l'examen a débuté entre 8h et 8h30. Ce concours se passe dans 119 centres de passation avec 320 surveillants. Le point avec Arthur Kavabushi. Dans la capitale politique Gitega, 8086 candidats sont attendus dans 119 centres de passation avec 320 surveillants. Et partout où nous sommes passés, l'examen a débuté entre 8h et 8h30. Au lycée Notre-Dame de la Sagesse de Mouchacha, y est inscrit 161 candidats, y compris 15 qui ont des handicaps variés, dont 5 sourds muets et 9 malvoyants. Le directeur de ce centre a indiqué que cette catégorie de personnes bénéficie de 30 minutes de plus sur le temps prévu dans chaque épreuve et qu'ils ont deux encadreurs spécialisés, dont un venu du ministère. Ce centre compte 3 écoles. Au lycée Regina Patis, il y a 186 inscrits. Ils ont enregistré 2 absents. À ce centre, il y a 5 écoles. Au lycée urbain de Rango, il y a 155 inscrits avec 2 absences, dont une fille qui est allée se marier. Ce centre compte 2 écoles. Au lycée Sainte-Thérèse de Mouchacha, il y a 212 inscrits. 4 écoles y passent l'examen. À l'école d'excellence de Moussinzira, il y a 287 inscrits. 7 écoles s'y sont rassemblées et il y a eu un absent. Vous saurez que partout où nous sommes passés, il n'y a eu aucun problème à signaler, mais également la sécurité était bien assurée. Autre chose, c'est que dans la commune Gitega, il y a 3103 candidats, alors que dans d'autres communes, il y a moins de 2000 candidats, comme l'indique le directeur provincial de l'enseignement à Gitega. Au programme, ils ont commencé par les sciences humaines et l'entrepreneuriat. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabushi, en mairie de Bujumbura, où là où notre reporter Emir Richard Nyonguru a passé les mesures d'hygiène contre le Covid-19. Ont été respectés. Nous reviendrons sur cet élément. Eh bien, depuis la commune de Bukey, la ministre burundais de l'Éducation, Janvier Ndirahiche, appelle les élèves à éviter toute tricherie et aux surveillants de faire preuve de professionnalisme. On l'écoute. Nous avons constaté que les élèves étaient à l'heure, mais aussi les enseignants surveillants et même les personnes qui sont venues du ministère pour superviser le concours ici à Bukey. Encore, nous avons salué leur tenue. Ce sont vraiment des élèves de la 9e, tout en espérant qu'à travers tout le pays, tout le monde est venu faire ce concours en tant qu'élève, c'est-à-dire qu'il a respecté le règlement scolaire en vigueur. Nous profitons alors de cette occasion pour d'abord leur souhaiter souhaiter bonne chance, mais aussi de leur rappeler qu'ils ne sont pas autorisés à tricher. Et surtout les enseignants surveillants, parce que nous avons constaté dans certains coins du pays qu'il y a des enseignants surveillants qui laissent les élèves tricher, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas leur déontologie professionnelle. Je profite aussi de cette occasion pour rappeler aux élèves candidats au concours qu'ils doivent terminer les examens pour les cours qui ne sont pas sujets du concours, mais aussi qu'ils restent élèves, c'est-à-dire s'ils échouent au niveau de l'éducation ou s'ils ne font pas les examens supplémentaires, que le concours sera annulé. Je demande aux enseignants d'être des enseignants. Ils savent les consignes de comment surveiller, qu'ils les respectent. De manière générale, ils doivent respecter leur déontologie professionnelle. Je profite aussi de cette occasion pour rappeler aux enseignants, parce que nous avons constaté qu'il y a des manquements graves. Nous avons constaté dans certaines écoles qu'il n'y a pas de copies pour les interrogations, qu'il n'y a même pas les copies pour les examens. Mais surtout, les jeunes filles ont des points sans trace. Et à ce moment-là, on se demande comment elles ont eu des points alors qu'on ne retrouve pas ni les copies. L'élève est appelé à étudier et l'enseignant est appelé à bien enseigner pour que les élèves puissent mériter la note obtenue. Jean-Pierre Ndirahisha, ministre de l'Éducation, et pour rappel, plus de 94 000 élèves des 9e années fondamentales sont attendus à ce test, dont 20 vivant avec handicap. Et pour rappel également, ce test se termine le 11 courant. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h02 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par cette page agriculture. Eh bien, le manque d'intrants agricoles attend, les infrastructures d'irrigation menacées d'écroulement et l'irrégularité d'approvisionnement de l'électricité aux usines de transformation sont entre autres défis auxquels font face les riziculteurs réunis au sein des coopératives dans les provinces Bujumbura et Bubanza. Cela a été dit ce lundi lors de la visite sur terrain du ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage en vue d'évaluer la production agricole de la saison culturelle B. Le ministre Deogi Derurema indique que la production est globalement bonne. Les détails, c'est dans ce reportage signé Charles Makote. Ces riziculteurs du secteur de Rouilidi indiquent que la production sera bonne pour la saison culturelle B en cours. Le travail en coopérative nous a été bénéfique, dit Chisa Jean, président des coopératives et des producteurs du riz Kosopra Evran dans le secteur de Rouilidi de la commune Mutimbuzi. Il indique que les semences sont passées d'environ 120 kg par hectare avec une production estimée entre 3 à 4 tonnes à 20 kg par hectare avec une production estimée entre 8 et 9 tonnes. Il indique cependant que le retard dans l'approvisionnement de l'engrais, le barrage rizicole est menacé d'effondrement. Les prospecteurs communaux qui les trouvent dans les champs pour la collecte des taxes communales constituent des entraves majeures pour leur activité. Ils demandent également que les agriculteurs qui exploitaient 4 hectares qui ont été contraints de céder ces champs aux installations électriques puissent avoir des indemnisations. À la question de l'engrais, le ministre Deogi Derurema a fait savoir que l'usine a augmenté sa production et qu'il compte disponibiliser l'engrais chimique dans les dépôts dans toutes les provinces. Toutefois, il a demandé l'implication de la population pour lutter contre la fraude de ces intrants. Concernant les infrastructures d'irrigation, le ministre a indiqué que cette question sera traitée dans un avenir proche. Quant à la population qui demande des indemnisations, le ministre Deogi Derurema a fait savoir que la question sera bientôt vidée. Après Rubiridi, le ministre s'est rendu à Muzinda, en commune Ogazi de la province de Bubanza, où il a visité l'usine de transformation du riz appartenant à la coopérative Tezimbere Mucheli. Le problème d'approvisionnement en électricité est l'un des défis qui ont été exposés au ministre, mais également celui des débouchés des productions. Amos Ali, président de cette coopérative, qui l'indique, fait savoir que leur usine est moderne et que la production de cette coopérative est satisfaisante. Au ministre Deogi Derurema d'indiquer que d'ici peu, une cartographie des usines de transformation agricole sera soumise au ministre de l'Énergie afin que le secteur où de telles usines sont implantées soit priorisé dans l'approvisionnement en électricité. Cette visite s'est poursuivie en province de Cibitoki, où en commune de Buganda, le ministre Deogi de Rurema a visité les hangars de stockage du riz et des maïs. Et en commune de Rugombo, le ministre a visité les champs des coopératives œuvrant dans les propriétés de Rugofarm. Partout où il est passé, Deogi de Rurema dit que la production est très satisfaisante et se réjouit des regroupements de la population en coopérative, ce qui facilite selon lui un encadrement efficient et une bonne production. Depuis Cibitoki, Charles Makoto pour la radio Isanganiro. Après cette page agriculture, revenons sur cet élément de l'éducation, parlant de la passation du concours national pour les élèves des 9e année fondamentale en mairie de Bujumbura. Eh bien, notre reporter a fait le tour de quelques établissements scolaires, entre autres constats, c'est le respect des mesures d'hygiène contre le COVID-19. Le point avec Aimé Richard Nyonguru. Dans certains établissements secondaires visités ce matin par la radio Isanganiro, comme à l'école Victor Skepper Soutenia Kabiga, le lycée d'excellence de Ngagara Ex-Aîné, école Michel Archange, lycée du lac Tanganyika, où se déroulait le concours national édition 2019-2020, le calme était au total. Les élèves en train de passer ce concours à l'école primaire d'application Epanya Kabiga, sur 274 candidats attendus, l'un ne s'est pas présenté. Le président de ce centre, Adolphe Nkunzubumwe, nous a révélé qu'aucune irrégularité n'a été observée à ce centre qui abritait 6 établissements secondaires, sauf le retard observé au lycée d'excellence Ex-Aîné de Ngagara. Sur 234 candidats attendus à ce concours, 5 ne se sont pas présentés. Feliazar Sindelibouye, président de ce centre, nous a révélé également que le retard et des cas d'absence ont été les seules irrégularités observées. À cet établissement, les élèves rencontrés disent avoir bien répondu correctement à toutes les questions qui leur étaient posées. À l'école Michel Archange de Bujumbura, les élèves nous ont témoigné que l'examen était facile parce qu'ils étaient bien préparés. Un concours qui se passe dans un climat de coronavirus, les mesures barrières étaient de mise, mais la distanciation sociale reste un handicap, témoignent les élèves et les présidents des centres de passation interrogés. Ce concours national donnant accès à l'enseignement post-fondamental qui a débuté ce mardi prendra fin jeudi de cette semaine. Je vous l'avais annoncé en titre, 5 enseignants du lycée Boubanza dans la province Boubanza ainsi que l'ancien directeur de cette école ont été arrêtés ce lundi par la police sur ordre du parquet de Boubanza. Ils sont détenus à la prison de cette province avec 2 élèves, dont une fille qui avait été retrouvée ligotée le matin de samedi dernier au parquet de Boubanza. L'on explique qu'ils ont été arrêtés pour enquêter sur l'enlèvement de cette fille. C'est au moment où les familles de ces détenus parlent depuis au montage et demandent leur libération. Plus de 1000 sceaux et plus de 200 thermoflashes sont certains des constituants du don de World Vision accordé ce mardi à 4 ministères, dont celui de la santé publique. Selon Martin Mbenge, représentante de cette organisation au Burundi, ce don vient dans le cadre d'appuyer le gouvernement burundais pour faire face à la pandémie du COVID-19. Elle a signalé que ce don va être distribué à plus de 900 écoles, églises, prisons, centres de santé, hôpitaux situés dans 8 provinces, dont la province de Gitega, et ce don a une valeur de plus d'un milliard de francs burundais. Poursuivons cette édition, l'Artemisia aide dans le renforcement du système immunitaire de l'homme. Cela a été dit ce mardi par la directrice et représentante légale de la CECI dans une conférence de presse. Jeanette Kalile-Kinyan indique que jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas affirmer que cette plante aide dans la prévention du COVID-19. On l'écoute. Ces derniers temps, on voit l'affluence des Burundais vers la consommation des tisanes. Et avec raison. Parce que les tisanes servent à renforcer l'immunité de l'organisme. Et les tisanes servent de complément alimentaire et entretiennent la santé de la personne. Alors, nous, au niveau de la CECI, on travaille à titre préventif. Notre souci, c'est que tous les Burundais aient une bonne santé, évitent de tomber malade. C'est pour cela qu'on fait la promotion des plantes. L'artémisia, c'est une des plantes dont nous faisons la promotion. Et quand on consomme l'artémisia, on ne tombe tout simplement pas malade. Mais s'il advient que quelqu'un tombe malade parce qu'il n'a pas consommé l'artémisia, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour lutter contre, pour se prévenir, à ce moment-là, il peut, même en association avec les médicaments, il peut consommer la tisane de l'artémisia. La tisane de l'artémisia, non seulement ça prévient, mais aussi ça déparasite. C'est-à-dire, quand bien même quelqu'un a pris les médicaments pharmaceutiques de lutte contre le paludisme ou autre maladie, alors l'artémisia vient comme nettoyer, détoxifier l'organisme, déparasiter l'organisme. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique santé de ce mardi à 13h10. Dans nos studios, il y a des cancers qui touchent généralement les enfants, dont les tumeurs du système nerveux central. Le pédiatre Deogracias Nyungeko précise que les études n'ont pas encore montré les causes de ces cancers et surtout qu'il y a certains enfants qui naissent déjà atteints de ces cancers. Selon ce médecin, il y a plusieurs symptômes dépendamment du type de cancer, dont les tumeurs internes ou visibles ainsi que des saignements et anémies. Et les détails avec Ornella Mucho. Les cancers des enfants sont de deux sortes. Le pédiatre Deogracias Nyungeko fait savoir qu'il y a des cancers appelés les semis et les tumeurs du système nerveux central localisés dans différentes parties du corps. Les cancers que nous observons, on a les leucémies chez l'enfant, on a les tumeurs du système nerveux central, on a les tumeurs qui sont localisées au niveau du rein, on a ce qu'on appelle les formes malignes, non Hodgkinien et les formes Hodgkinien. On a aussi les tumeurs des parties molles ainsi que les tumeurs osseuses. Et dernièrement, on avait dans nos services deux enfants qui avaient des tumeurs qui sont localisées au niveau de l'œil qu'on appelle les rétinoblastomes. Atteint de ces cancers, l'enfant a différents symptômes, dont les tumeurs, une fièvre prolongée et la perte du poids. Docteur Deogracias Nyungeko précise que différents examens, dont l'échographie, le scanner, sont également faits pour confirmer si réellement l'enfant est atteint de l'un de ces cancers. Les cancers chez l'enfant sont des pathologies chroniques, s'accompagnent de l'amaigrissement, qui ont une fièvre persistante. Et quand il s'agit de tumeurs solides, on peut avoir aussi une tumefaction localisée au niveau de l'organe concerné. Pour ce qui est des leucémies, qui sont des cancers qui atteignent les cellules sanguines, on a une fièvre qui est persistante dans le temps. On a ce qu'on appelle une pancytopénie. Ça veut dire une diminution délignée de toutes les cellules sanguines. Et quand on fait ce qu'on appelle une ponction de moelle osseuse, là, on va découvrir l'envahissement de la moelle et même des infections opportunistes. L'enfant peut être déjà atteint d'un cancer. Ce spécialiste révèle que les causes de ces cancers ne sont pas encore bien définies. Les causes ne sont pas bien connues parce que c'est une multiplication anarchique des cellules cancéreuses. Mais il y a des facteurs qui sont mieux connus. C'est en particulier les virus. Il y a des virus qui sont responsables du développement des cancers. C'est en particulier le virus de l'hépatite virale B, c'est le virus de l'hépatite virale C, et c'est le virus, le papillomavirus qui est responsable du cancer du col de l'utérus, et c'est le virus d'Epstein-Barr qui est responsable du lymphome de Burkitt. Dans notre prochaine chronique santé, Dr Deogracias Nyungeko, pédiatre, nous parlera du traitement et des conséquences de ces cancers pédiatriques. On est là, mucho. Voilà, 13h13 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition, mais permettez-moi, chers auditeurs, de faire un rapide rappel des titres. Passation ce mardi du concours national dans tout le pays. C'est pour les élèves des 9e année fondamentale. C'est un concours donnant accès à l'enseignement post-fondamental. On a fait le tour en mairie de Bujumbura et dans la ville de Gitega et depuis la commune Bukeye en province de Muramvya, la ministre de l'Éducation et appelle élèves et surveillants au respect du règlement scolaire. La récolte du riz et de maïs est en général bonne pour la saison culturelle B, constate le ministre burundais de l'Environnement, agriculture et élevage lors d'une descente ce lundi dans les provinces Bujumbura, Bubanza et Chibitoke. On a également parlé de l'arrestation hier de 5 enseignants du lycée Bubanza et un ancien directeur ainsi que 2 élèves dans une affaire d'une fille retrouvée samedi ligotée derrière le lycée Bubanza. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Albert Ndouaï qui a assuré la mise en onde. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir. Mireille Kanyangi.